Chapitre 17. Geneviève fortement attaquée, bien défendue. Le soir du même jour, Mademoiselle Primrose était seule avec Monsieur Dormer. « Mon cousin, lui dit-elle, ce n'est pas sérieusement, je pense, que vous avez déclaré à Geneviève vouloir réfléchir au bel habit rouge qu'elle a promis à Rame. » Monsieur Dormer. « Très sérieusement, ma cousine, je ne veux pas que Geneviève se permette de pareils actes d'indépendance. Je suis son tuteur. Elle ne doit faire aucune dépense sans mon autorisation. Cet habit est une sottise, un ridicule et une inutilité. Vous en conviendrez, je pense. » Mademoiselle Primrose. « D'abord, mon cher ami, ce n'est pas une sottise. C'est un témoignage de reconnaissance pour les services dévoués de ce fidèle serviteur. Ce n'est pas un ridicule, c'est une élégance permise à un nègre. Ce n'est pas une inutilité, car il n'est jamais inutile de procurer un vif plaisir à un excellent serviteur qui ne demande jamais rien et qui se dévoue du matin au soir au service de ses maîtres. Vous êtes son tuteur, mais vous ne devez pas être son tyran. Vous ne pouvez pas exiger qu'à chaque dépense faite par elle ou pour elle, elle vienne vous en demander la permission. Avec la fortune qu'elle a et dont elle n'use jamais, vous devez avoir moins de répugnance à lui passer de rares et innocentes fantaisies. » Monsieur Dormer. « Que veut dire que vous trouviez un refus de ma part une tyrannie révoltante ? » Mademoiselle Primrose, très vivement. « Certainement, et plus que révoltante, coupable. Et sachez d'avance que si vous lui refusez cette dépense, elle sera faite tout de même, parce que ce sera moi qui la lui paierai. Et sachez bien aussi que tout le monde le saura, que je le raconterai à tous ceux qui vous connaissent. Vous êtes déjà fortement blâmé de votre sévérité à l'égard de cette malheureuse enfant. Tout le pays la connaît, tout le monde l'aime. Elle est bonne, elle est pieuse, elle est douce, charitable, jolie, gracieuse, intelligente. Elle a toutes les qualités que le père le plus exigeant serait heureux de trouver dans sa fille. Vous seul restez froid, indifférent, aveugle devant tant de charmes. Si vous continuez ainsi, je vous préviens, vous vous perdrez dans l'opinion de tous vos voisins et amis. » Monsieur Dormer. « Mon Dieu, ma cousine, quelle volubilité, quelle animation et quelle sévérité dans vos jugements. Vous faites d'une niaiserie une affaire importante. » Mademoiselle Primrose. « Niaiserie pour vous, mais pas pour Geneviève, dont la vie d'enfant se compose de petites joies et de petits chagrins. Petit pour nous, grand pour elle. » « En un mot, est-ce oui ou non ? Décidez-vous, je lui ai promis la réponse demain matin. » Monsieur Dormer. « Oui, oui, 100 fois oui. Si j'avais prévu cette grande colère et ces menaces bien inutiles, j'aurais commencé par consentir à tout. Vous êtes vraiment terrible dans vos mécontentements. » Mademoiselle Primrose. « C'est ainsi que je suis, mon cher. Je prends tout vivement et je ne ménage pas mes paroles, ce qui ne veut pas dire que je n'aime pas les gens. » Monsieur Dormer. « On peut dire dans ce cas que vous êtes une terrible amie. » Mademoiselle Primrose. « Terrible peut-être, mais sincère et fidèle. Et à présent, allez-vous coucher. Je vais en faire autant. Il est tard et j'ai beaucoup à faire. Adieu, mon cousin. Bonne nuit. Je vous enverrai Geneviève demain. » Mademoiselle Primrose se retira. Monsieur Dormer était assez mécontent des reproches de Mademoiselle Primrose. Mais il sentit qu'ils étaient justes, et il résolut de changer de procédé quant aux dépenses de Geneviève. Quand elle entra chez lui le lendemain, il lui parla le premier. « Mademoiselle Primrose m'a dit, Geneviève, que tu étais inquiète de mon consentement pour l'habit rouge de Rame. Rassure-toi, tu l'auras. Et à l'avenir, je donnerai à Pélagie 10 000 francs par an pour ta dépense personnelle, pour Rame et Pélagie. Tu t'arrangeras avec ta bonne pour tes charités, ta toilette, les gages de ta bonne, ceux de Rame et son habillement, tes livres, ta musique, toute ta dépense, enfin. » Geneviève. « Je vous remercie bien, mon oncle. Je vais le dire à Pélagie, qui sera bien contente, ainsi que ma cousine. » Monsieur Dormer. « Oui, va, ma fille, et habitue-toi à avoir de l'ordre dans tes dépenses. » Geneviève quitta son oncle en le remerciant, en lui promettant de ne faire aucune dépense déraisonnable, et alla faire part de cette généreuse décision de son oncle à Pélagie et à Mademoiselle Primrose. Elles s'en réjouirent avec elle, et il fut décidé qu'on ferait venir tout de suite le tailleur pour le bel habit rouge de Rame.